L'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la quatrième émission, nous avons examiné la première grande discontinuité dans l'expérience de la socio-économie canadienne autour des années 1700. Nous avons montré comment la Nouvelle-France était passée du statut de simple comptoir, de centre d'échange entre Amérique et Europe, à celui de colonie à deux versants, un versant atlantique, fondé sur le commerce des fourrures, et un versant domestique fondé sur l'agriculture. Cette semaine, nous verrons comment l'économie de la Nouvelle-France, après cette mutation, s'est développée dans la première moitié du 18e siècle à partir de cette nouvelle base. Avec l'émergence d'un second versant, le versant agricole, dans la socio-économie canadienne d'après 1700, c'est non seulement un mouvement de diversification qui est enclenché, c'est aussi une maturité commerciale naissante qui lentement se fait jour dans la première moitié du 18e siècle. Cet enracinement d'une véritable socio-économie en Nouvelle-France va prendre diverses formes. La colonie demeure fort petite. Démographiquement, moins de 20 000 personnes. La population canadienne n'est que le 16e de la population de l'Amérique anglaise. Mais cette population canadienne s'enracine. On peut véritablement parler de premier repli vers la terre, de ruralisation, comme nous l'explique le professeur Pierre Tousignan du département d'histoire à l'Université de Montréal. Au moment de la conquête, la colonie française était engagée depuis un demi-siècle dans un processus de ruralisation et de stabilisation autour de l'agriculture. Au tournant du 18e siècle, on assiste à ce que Jacques Mathieu appellera le premier repli vers la terre. À cette époque, le commerce des fourrures subissait les contre-coups d'une grave crise de surproduction face à un marché saturé, alors que la population de la colonie passait de quelque 10 000 à 16 000 âmes en moins de 10 ans, donc 1698-1706. Le monde rural était ainsi appelé à servir d'exutoire à une portion croissante de la population qui devait trouver à s'employer ailleurs que dans le secteur de train. Naturellement, puisque le secteur de train ne pouvait pas mobiliser indéfiniment des agents de train. Disons que quelques milliers suffisaient pour servir à la traite des fourrures. Donc, de 1706 à 1739, l'agriculture de la vallée du Saint-Laurent va connaître un essor remarquable et profiter d'une conjoncture favorable grâce à l'ouverture de marchés extérieurs tels que Louisbourg, l'île royale et les Antilles françaises. Alors, si vous permettez, j'ai noté quelques chiffres, quelques données démographiques et j'aimerais en faire mention pour montrer l'importance de ce versant agriculture dans la première moitié du 18e siècle. Alors que la population de 1706 à 1739 augmente de 2,5 fois, passant de 16 000 à 42 700, la superficie des terres en culture, elle, quadruplant, passant de 43 671 à 188 105 arpents. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En 1740, près de 190 000 arpents pour une population rurale, grosso modo, de 34 000 habitants. Je mentionnais le chiffre de 42 700. Chacune des villes de Montréal et de Québec, en 1740, ayant autour de 4 à 5 000. Restait 34 000 habitants vivant dans les campagnes. Cela représentait une moyenne de 33 arpents sous culture par chef de famille. Or, 33 arpents sous culture par chef de famille, ça veut dire qu'on est engagé depuis déjà une bonne génération. Mettre sous culture un ou deux arpents par année, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, c'est un processus de 30 ans. Une moyenne de 30 à 35 arpents en 1740. Donc, processus de ruralisation fortement engagé et stabilisation. Parce que, écoutez, on développe pas 34 ou une trentaine d'arpents sous culture pour partir et abandonner. Donc, très significatif d'une stabilisation déjà avancée autour de l'agriculture. Mais ce n'est pas seulement du côté de l'agriculture qu'on sent monter une cohérence, une force nouvelle. Nous rappelions la semaine dernière comment la mise en place de la Compagnie de la Colonie dans la première décennie du 18e siècle témoignait d'un sens de l'organisation et d'un goût des affaires chez les Canadiens. Mais ce n'était là qu'une des multiples entreprises, qu'une des nombreuses initiatives qu'on verra bouillonner au début du 18e siècle. Une lecture rapide de l'histoire révèle pourtant des signaux discordants. Il y a difficultés sérieuses dans le commerce des fourrures. Il y a 2 millions de livres de monnaie de carte en circulation en 1714, résultat d'émissions de monnaie exagérées qui ont engendré la méfiance des commerçants et du peuple. Et puis le rachat de cette monnaie de carte à la moitié de sa valeur nominale sur une période de 5 ans, après 1713, ce qui va faire doubler évidemment les prix. Mais à côté de ces signaux de crise, il y a une vague d'investissements immobiliers et un développement urbain vigoureux. Les marchands de Québec et de Montréal vont même créer en 1717 une chambre de commerce. On a parlé d'un certain attentisme, bien explicable d'ailleurs, mais on voit aussi des signes d'effervescence. Jacques Mathieu est historien à l'Université Laval. Effectivement, on a l'impression, après 1700, que tout le monde est en attente qu'il se produise quelque chose. Bien des gens aussi veulent innover, se lancer dans toutes sortes d'entreprises et parfois font des expériences dans le domaine de la pêche, par exemple, de l'exploitation du goudron, dans la culture du lin, mais ce sont des entreprises extrêmement limitées et le roi ou la royauté ne vient pas appuyer fortement ces entreprises. Le roi est toujours d'accord avec les initiatives qu'on recherche des mines de fer, de charbon. Il appuie toujours, il accorde des privilèges, mais jamais de subventions. Et la rareté du capital est un élément fondamental tout le long du régime français pour le développement de ces entreprises. Il faut attendre les années 1730 pour assister à une nouvelle intervention de l'État, extrêmement importante, c'est le plan de Hocquart. Mais, entre-temps, il y a eu des expériences, et il y en a une qui ne doit pas être passée sous silence, parce que elle est un des effets de la crise économique des années 1700 dans le commerce des fourrures. C'est la Compagnie de la Colonie. Les Canadiens refusent les conditions que les armateurs et les hommes d'affaires français veulent leur faire dans le développement du commerce du castor. On veut, par exemple, réduire l'approvisionnement considérablement. On veut aussi couper les prix. Mais pour les Canadiens, c'est inadmissible parce que c'est tout le système des relations avec les nations amérindiennes qui est mis en jeu. Les Canadiens, et ce ne sont plus les Français vraiment qui sont dans le décor, ce sont les Canadiens qui prennent leurs affaires en main, ont le sens des affaires. C'est, par exemple, les hommes d'affaires comprendront peut-être mieux le rachat de tout le vieux stock non écoulé pour éviter qu'on le vende à des prix réduits et que finalement le prix sur les marchés baisse de façon catastrophique. C'est la constitution d'une compagnie aussi qui réunit beaucoup d'hommes d'affaires intéressés. C'est au-delà de 125 personnes qui prennent des parts dans cette compagnie de la colonie. C'est aussi pour assurer le contrôle et la force de l'entreprise, certaines règles de fonctionnement. Par exemple, à l'effet que pour faire affaire avec la compagnie, pour faire des transactions avec la compagnie, ou pour travailler pour la compagnie à quelque niveau que ce soit, il fallait avoir des parts dans la compagnie. Donc, un système fort bien organisé. Par contre, la compagnie n'avait pas de fonds. Elle doit emprunter. Elle doit emprunter sur les marchés français et à des taux extrêmement élevés. Mais l'une des astuces, peut-être, des administrateurs de cette compagnie, c'est d'investir des parts qui peuvent être considérables, mais qu'ils ne paieront qu'au bout de 9 années, au moment où le contrat de la compagnie viendra à échéance. Donc, investir considérablement dans une entreprise, prendre des parts importantes, mais ne pas y mettre un sou de sa poche. Et finalement, comme les marchés européens ne s'améliorent pas, les emprunts sont extrêmement élevés, l'approvisionnement est parfois douteux parce que pour se concilier les nations amérindiennes de l'intérieur, on doit accepter des pots qui sont d'un peu moindre qualité, comme l'obtention de ces pots-là coûte plus cher dans la mesure où, dorénavant, ce sont des Français qui vont à l'intérieur des terres chercher la fourrure, qu'il faut donc leur payer un salaire, qu'il faut leur payer des vivres, qu'il faut s'équiper, avoir des canots. Donc le coût de revient de la fourrure est beaucoup plus élevé. La compagnie de la colonie ne réussit pas à rentrer dans ses frais et fait faillite. Dans chaque versant de la socio-économie canadienne, progressivement, on voit apparaître une certaine cohérence, une articulation progressivement plus grande au marché, mais aussi de lents rapprochements d'un versant à l'autre. J'ai demandé à Louise Dechêne, professeure d'histoire à l'Université McGill, à quel moment on peut parler de l'existence d'une paysannerie caractérisée en Nouvelle-France. C'est tout à fait progressif. J'hésiterais à mettre des dates, à dire il y a une paysannerie à partir de 1730 ou 1720. Ça se fait tout à fait progressivement. Dans la région de Québec, l'île d'Orléans, Beauport, dans ces régions-là, la côte du Sud aussi, enfin, ce qui est aujourd'hui Montmagny, Lévis, vous avez là très tôt des collectivités rurales très cohérentes, assez bien organisées. Et moi, je les ai aperçues en 1740, mais elles n'étaient pas nées d'hier. Enfin, c'était évident que... Donc, c'est un mouvement. C'est la variable augmentation de la population qui compte. Et peut-être que la cohérence des milieux ruraux est plus forte à Québec, parce que l'attrait des fourrures, enfin, on l'a beaucoup dit, et c'est vrai, fait que les jeunes gens vont aller volontiers parce qu'il y a de l'argent à faire plus facilement. Enfin, ça crée un mouvement dans les campagnes de Montréal que je crois qu'on ne trouve pas autant dans les campagnes de Québec. Il n'y a pas que les fourrures non plus, il y a d'autres commerces, il y a la pêche, dont on ne parle jamais. Or, plus on examine les archives de la Nouvelle-France, du côté Québec, encore une fois, plus on s'aperçoit que la pêche a joué un rôle très très important. Vous avez là donc un autre commerce, du type du commerce des fourrures. Bon, pêche par des gens de Québec, je parle pour l'huile de marsouin, l'huile de phoque, et toutes ces choses sur la côte du Labrador, les pêches de morue. Il y a une activité considérable du côté des pêches, avec aussi certaines articulations... avec le rural, qui serait intéressant à voir, parce que vous avez des campagnes le long du fleuve où on s'adonne à la pêche, où les marchands ont des grandes pêches. Je parle de pêche commerciale. Si les articulations entre les deux versants de l'économie vont mettre bien du temps à s'affirmer, à se définir, à s'approfondir, on aurait tort de croire que le versant commercial et le versant agricole vont continuer longtemps leur vie parallèle. On voit vite le secteur agricole déborder ses frontières domestiques. Il se crée ni plus ni moins, et cela bien plus tôt au XVIIIe siècle qu'on ne le croit d'habitude, et sur une échelle bien plus importante qu'on ne le croit aussi, il se crée un débordement de l'économie du blé vers l'économie atlantique. C'est un débordement qui commence tôt, mais qui prend un essor nouveau après 1720, avec la construction de la forteresse de Louisbourg sur l'île Royale, l'île du Cap-Breton, et qui va constituer un réseau commercial important liant le versant agricole au marché atlantique dans les années 1730. Jacques Mathieu. Dès 1707-1708, l'intendant Rodeau écrit « Il ne faut plus désormais considérer le commerce des fourrures comme la grande ressource du pays, mais bien les surplus agricoles que l'on peut exporter sur les marchés français et aux Antilles. » Et ça a des effets considérables dans toute la structure économique du pays. C'est la diversification du grand commerce, c'est de nouveaux circuits commerciaux, c'est de nouvelles organisations, même au plan seigneurial. Un des exemples les plus manifestes est peut-être ce qui arrive au moulin. Il y a d'abord une multiplication du nombre de moulins et les moulins ne sont plus localisés dans les campagnes. Les moulins ne sont plus un service à l'agriculteur. Les moulins sont greffés à l'économie urbaine. Les moulins deviennent de petites entreprises commerciales greffées aux surplus qui peuvent être exportés. Socialement, c'est un phénomène extrêmement intéressant parce qu'on voit par exemple les meuniers au XVIIe siècle qui sont des gens instables géographiquement, instables dans le métier, qui sont plus pauvres même que les agriculteurs moyens, au 18e deviennent des gens stables géographiquement, stables dans le métier, plus riches que l'agriculteur moyen, donc par exemple donnant des douaires plus importants à leur épouse au moment du mariage, etc. Donc un système qui change beaucoup et un objectif de production qui n'est plus que l'autosuffisance, mais qui vise les marchés extérieurs. Ce grand marché extérieur qui s'ouvre au début du 18e siècle, c'est celui des Antilles françaises. Parce que le régime mercantiliste reste encore en vigueur. La France n'a pas habituellement besoin de produits agricoles. Par contre, les Antilles françaises, qui sont toutes orientées vers une monoproduction, que ce soit le sucre ou le café, ne produisent pas de denrées alimentaires. Et un peu plus tard, au 18e siècle, on considérera que le Canada devra être le grenier des colonies françaises. Et dès les années 1705-1707, régulièrement, chaque année, il y a au moins un bâtiment qui fait le voyage entre la Nouvelle-France et les Antilles. Et ce circuit commercial deviendra de plus en plus important avec les années, et surtout avec la construction de Louisbourg. Et Louisbourg devient une étape. Et c'est à compter de ce moment-là qu'on introduit de nouveaux circuits commerciaux. Peut-être le circuit commercial qu'avait si bien imaginé Talon, mais qui ne s'était pas perpétué, ce que l'on appelle le commerce triangulaire. Et finalement, il y a deux triangles commerciaux qui se développent à l'époque. Il y a le grand rêve de Talon qui s'intensifie, c'est-à-dire l'exportation de surplus agricoles et de poissons vers les Antilles pour l'alimentation des Antillais et aussi beaucoup des esclaves antillais qui faisaient tourner les moulins, l'exportation de sucre antillais vers la métropole française et au retour, les produits ouvrés et fabriqués en France vers la Nouvelle-France. Donc, un grand circuit triangulaire qui devient de plus en plus important à mesure qu'on avance dans le 18e siècle. À côté de ça, apparaît un petit triangle, mais qui est extrêmement intéressant pour la Nouvelle-France. C'est le circuit Québec-Île-Royale et la Martinique-Louisbourg-Île-Royale. Et de plus en plus même, les Québécois se confinent à une partie de ce circuit commercial. Ils font Québec-Louisbourg. Parce que, pour plusieurs raisons, la première étant que les navigateurs et les pilotes en particulier n'aimaient pas remonter le Saint-Laurent. On disait que c'était une mer déchaînée, pire à franchir que l'océan à cause des courants et des vents contraires et des écueils qu'il y avait à l'intérieur. Et les Canadiens en sont venus à se réserver ce petit circuit commercial. Et à l'autre bout de la chaîne, entre la Martinique et Louisbourg, on voit de plus en plus aussi d'hommes d'affaires antillais qui assument ce circuit. Et pour les Canadiens, c'est intéressant parce que il n'y avait pas d'hommes d'affaires ayant des fonds suffisants pour s'insérer et devenir des concurrents importants dans le grand circuit commercial. Ils commençaient donc au premier chaînon par une petite entreprise. Une petite entreprise qui pouvait, et c'est très avantageux pour eux, qui pouvait faire des rentrées deux fois l'an. On faisait, et on a fait de plus en plus, deux fois par année, le voyage Québec-Louisbourg, assurant donc un roulement de capital et des rentrées de fonds beaucoup plus intéressants. Si bien qu'on avait besoin au départ de fortunes moins considérables pour s'insérer dans ce circuit commercial. Et dans les années 1730, c'est 20, 25, 30, 35 bâtiments qui laissent la Nouvelle-France pour aller porter du grain, de la farine et du poisson aux Antilles et pour en recevoir du sucre, de la mélasse, tous les dérivés du sucre et du rhum, également en quantité assez impressionnante. Il est difficile d'exagérer l'importance qu'avait pris Louisbourg dans l'Amérique du Nord-Est dans les années 1730-1740. En fait, tout ce nouveau réseau commercial, le grand et le petit commerce triangulaire dont nous parlait Jacques Mathieu, ce nouveau système commercial a comme pivot, si l'on peut dire, Louisbourg. Voilà qui allait faire de cette forteresse bien davantage qu'une installation militaire. C'est un centre commercial important qui va à la fois jouer pour un temps un rôle clé dans le marché atlantique, mais aussi servir de marché aux produits agricoles, non seulement ceux de la Nouvelle-France, mais aussi ceux de l'Acadie. L'Acadie était maintenant sous contrôle britannique et son centre administratif, Annapolis Royal, l'ancien port royal, n'avait pas réussi à devenir le centre de gravité de la vie économique acadienne. Le commerce illégal avec Louisbourg florissait. Voilà qui devait faire de Louisbourg une double source d'irritation, militaire et commerciale, pour les gens de la Nouvelle-Angleterre. Jean Daigle est le directeur du Centre de recherche acadienne à l'université de Moncton. Louisbourg, c'est d'abord une place militaire. Louisbourg était considéré par les gens de l'époque, surtout par les colons américains, comme étant le Gibraltar de l'Amérique, c'est-à-dire une forteresse imprenable. Louisbourg est devenu aussi un port de pêche, un port de commerce international très, très, très important, au point que Boston a perdu sa suprématie au niveau, si vous voulez, du commerce de réexportation de la morue. Et Louisbourg, de par ses contacts qu'il avait avec les Antilles françaises, avec la France, avec les ports basques, avec, disons, certains ports espagnols et portugais, va devenir, disons, un port de réexpédition de poissons et va devenir, même jusqu'à un certain point, peut-être une menace pour l'économie du Massachusetts. Et ce n'est peut-être pas sans raison que l'on peut expliquer les deux conquêtes auxquelles sera soumis Louisbourg. Alors, je disais tout à l'heure que Louisbourg était considéré comme un Gibraltar, et peut-être à la grande stupéfaction des militaires de Boston ou du Massachusetts qui vont se présenter devant la forteresse en 1745, Louisbourg va tomber quand même assez facilement après un siège de quelques semaines. Et, disons, la conquête de Louisbourg va faire énormément plaisir aux colons de la Nouvelle-Angleterre parce qu'on voyait là la disparition, si vous voulez, d'un autre agent économique qui nuisait évidemment à toutes les fortunes qui étaient établies sur le commerce, disons, entre les colonies américaines et aussi avec les Antilles françaises. En d'autres mots, Louisbourg s'est substitué à Boston au niveau, si vous voulez, des contacts avec d'autres ports sur le continent nord-américain. Après 1745, M. Laigle, Louisbourg tombe, Louisbourg cesse d'être le pôle économique de l'Acadie. Qu'arrive-t-il à l'Acadie? Les Acadiens ont continué leurs activités comme auparavant, parce qu'il faut dire que, dans le fond, les préoccupations principales des Acadiens n'étaient pas le commerce extérieur. C'est peut-être quelque chose qui s'est surajouté par la suite, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin. Alors, comme les Acadiens pouvaient toujours subvenir à leurs propres besoins, leur agriculture a toujours été excédentaire. Nous n'avons pas connu de famine, sauf peut-être deux années seulement, peut-être si on fait un retour, disons, au XVIIe siècle, peut-être vers 1694, 1695. C'était une année où, si vous voulez, il y a eu une période où la production céréalière n'a pas été suffisante. Il a fallu importer de l'extérieur. Et une autre année aussi au XVIIIe siècle. Mais à chaque année, à part ces deux-là, la production céréalière, le cheptel acadien était de pas tellement de bonne qualité, mais il était en quantité suffisante. Alors, les Acadiens pouvaient, lorsque le besoin se faisait sentir, exporter vers l'extérieur, si vous voulez, l'excédent de leurs marchandises. Alors, ce n'était pas, disons, une société commerciale que nous avions, mais c'était une société que l'on pourrait appeler une société traditionnelle, c'est-à-dire une société qui est autosuffisante. Ce sont des gens qui peuvent, si vous voulez, se perpétuer dans la région lorsqu'il n'y a pas de conflit politique, là, et, disons, vivre quand même assez bien. Mais lorsqu'il y a des besoins qui se font sentir, lorsqu'il y a une demande, si vous voulez, au point de vue produits alimentaires, les Acadiens peuvent, si vous voulez, envoyer des choses vers Louisbourg, peuvent exporter aussi vers Boston. Mais dans l'ensemble, les Acadiens maintenaient surtout, disons, des activités d'autosuffisance. On sait, M. Daigle, que après Port-Royal, première métropole économique de l'Acadie, Louisbourg, deuxième métropole économique de l'Acadie, en 1749, on transporte le centre administratif, tout au moins, vers Halifax. On crée Halifax. Pourquoi? On crée Halifax parce que du côté anglais, on voyait cette Nouvelle-Écosse qui n'avait pas du tout les caractères d'une colonie anglaise, telle qu'on la connaissait ou telle qu'on voulait la constituer en Amérique du Nord. Il y avait environ peut-être 400 à 500 anglophones, et lorsque nous nous plaçons en 1749, il y avait peut-être une population. Telle qu'on voulait la constituer en Amérique du Nord. Il y avait environ peut-être 400 à 500 anglophones, et lorsque nous nous plaçons en 1749, il y avait peut-être une population de 13 000 à 14 000 Acadiens. Alors, vous êtes dans un territoire anglais où la majorité de la population est francophone, et où la majorité de la population est catholique. Alors ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour les autres colonies nord-américaines et pour aussi l'Angleterre. Alors on veut substituer à la métropole de Port-Royal une autre, si vous voulez, capitale, cette fois-ci anglaise, et où on aura, si vous voulez, des caractères typiquement anglais, c'est-à-dire une population qui parle anglais et une population protestante. Et c'est pour ça que l'Angleterre investit massivement en 1749 en amenant tout près de 2000 colons à Halifax. Et on bâtit, si vous voulez, d'une façon instantanée, une nouvelle capitale. Pendant que se transforment de façon dramatique les contours socio-économiques et politiques de ce qui deviendra les provinces maritimes, la Nouvelle-France va tenter de canaliser tout ce bouillonnement d'activités agricoles et commerciales, toutes ces initiatives privées des négociants locaux qui avaient fait, dans les premières années du 18e siècle, une certaine preuve du potentiel de la colonie. Ces initiatives privées doivent demeurer limitées, gênées par les sensibilités des producteurs et négociants métropolitains qui ne veulent pas que s'installent en Nouvelle-France des concurrents. C'est ainsi que le roi va prohiber la production locale de chapeaux de fourrure sous prétexte que cela viole les stipulations du monopole accordé à la Compagnie des Indes. On va chercher à mobiliser ce potentiel économique à partir des avantages comparatifs de la Nouvelle-France, des ressources dont elle était dotée, compte tenu et de sa structure de base et des impératifs du cadre impérial. C'est l'abbé Louis Lepage, seigneur de Terrebonne, entrepreneur et chanoine à ses heures, c'est ainsi que le présentera Jacques Mathieu, c'est Louis Lepage qui va, dans un mémoire à l'intendant Hocquart, donner l'idée du plan, suggérer que dans une colonie comme la Nouvelle-France, bâtie autour d'une grande avenue maritime comme le Saint-Laurent, et si riche en forêts, le pôle de croissance qui va pouvoir industrialiser la socio-économie, c'est la construction navale. Jacques Mathieu. Le seul réseau, le seul moyen de communication, c'était l'eau. Et c'était particulièrement le fleuve Saint-Laurent. Et Lionel Groulx avait eu une expression remarquable pour qualifier le Saint-Laurent. Il en parle comme de l'axe souverain de la Nouvelle-France, qui seul en permettait le développement économique. Un autre exemple pour montrer comment l'activité maritime est fondamentale, la première route entre Québec et Montréal est construite entre 1733 et 1735. Et encore y a-t-il sur cette route une dizaine de rivières où il faut emprunter des bacs pour traverser. Et on peut remonter dans le temps pour qualifier l'importance de cette activité maritime. Notre premier enseignement technique approfondi, c'est l'hydrographie. Une de nos premières histoires, celle de Montréal en 1672 par Dollier de Casson, est subdivisée assez curieusement par saison de navigation. Et finalement, on peut dire que presque jusqu'au milieu du 18e siècle, le Canadien vit un peu à l'horaire des marées et selon les saisons de navigation. Évidemment, l'activité maritime engendre commerce, engendre échange, mais engendre aussi, à un moment donné, grâce à l'intendant Hocquart, une entreprise industrielle. L'intendant Hocquart est, je ne dirais pas après Jean Talon, parce que pour moi, il est aussi important que Jean Talon, un responsable du développement économique de la colonie extrêmement important. Il est au pays de 1729 à 1748, donc un de ceux qui exerce un des plus longs termes, et c'est un bonhomme extrêmement compétent et sensible au développement économique, et un bonhomme efficace, dynamique et subtil. Dire qui sait prévoir pour amener la roi, par exemple, à injecter des fonds dans l'activité économique. Et le développement d'une grande entreprise de construction navale, il est dû à Hocquart. Et le plan de Hocquart, au contraire du plan de Talon, au contraire du plan de Champlain, il a un pôle de croissance. Hocquart mise sur le développement industriel et en particulier sur le développement de la construction navale. Pour lui, si la construction navale fonctionne bien, il sera possible d'en faire un débouché. Par exemple, pour les forges de Saint-Maurice, qui fabriqueront des ancres, des canons, des clous, les barres de fer qui stabiliseront les coques de bateaux. Il est possible aussi de développer la culture du lin et du chanvre, dont on se servira pour fabriquer les toiles et les cordages. Il est possible d'utiliser le bois et le résidu du bois pour fabriquer du goudron, qui servira au calfatage des bateaux. Donc, une structure économique avec à sa tête la construction navale et plusieurs industries secondaires qui dépendront de la vitalité de cette entreprise. La construction navale se développe au pays en raison de plusieurs circonstances favorables. Rappelons d'abord le contexte où l'activité maritime est extrêmement importante, mais un contexte encore plus immédiat. La présence de forêts considérables, une richesse forestière presque inimaginable pour la France, qui déjà à cette époque-là allait chercher son bois à l'extérieur, et d'une France qui avait tellement besoin de bois que dès l'époque de Talon, par exemple, on avait planté des arbres auxquels on donnait des formes, prévoyant que 100 ans plus tard, on pourrait les utiliser pour la construction des bateaux. Et la puissance de guerre des nations européennes à l'époque, c'est la marine. La marine, dit un dicton à l'époque, fait la force des nations. Et c'est ce qui fait que la France obtiendra l'hégémonie, une hégémonie qui devient en contestation, qui devient dangereusement menacée par la puissance navale de l'Angleterre. Donc, on devient très intéressé aux ressources que peut offrir la Nouvelle-France, ressources en bois, mais aussi carrément ressources en vue des conflits militaires qui risquent de se produire. Aussi, le commerce atteint à l'époque une apogée. Depuis 1713, on est en période de paix. Le fait que la fourrure continue à jouer un rôle important, mais il y a beaucoup d'autres produits qui connaissent un débouché sur les marchés européens, et en particulier dans d'autres colonies françaises comme les Antilles. On conçoit donc un système intégré et on permet surtout d'établir en Nouvelle-France de grandes industries pour le roi, des industries dont l'objectif est militaire, des industries lourdes. Le plan Ockart va aussi échouer. Pourquoi? Le plan Ockart échoue un peu pour les mêmes raisons qu'avaient échoué les autres plans précédents. On ne tient pas compte des ressources physiques du pays. On avait besoin de bateaux de guerre en France, les plus gros bateaux qui pouvaient se construire. On a voulu construire de ces bâtiments de guerre ici. Mais pour ça, il fallait avoir recours aux forêts, aux bois, les plus considérables. Et ces bois étaient au sud du lac Champlain, là où le climat est un peu meilleur et permet une croissance un peu plus considérable. Si bien qu'on a été amené à utiliser des bois trop vieux. On avait besoin de pièces de dimension imposante, par exemple 3 pieds de diamètre pour faire un cabestan, mais les arbres situés à proximité ne permettait pas de faire des pièces aussi considérables. Alors, il commençait à pourrir par le milieu. On utilisait la pousse des dernières années qui, elle aussi, pourrissait très rapidement parce que les vaisseaux qui permettaient à la sève de circuler se détérioraient face au soleil. Donc, la décision française de construire des bateaux de guerre ne convenait pas aux ressources que le pays pouvait offrir. Donc, le fait que la décision a été extérieure, c'est peut-être un peu le fait qu'elle a été gouvernementale, alors que la construction navale connaîtra un succès absolument extraordinaire au 19e siècle, parce qu'on construira des bâtiments de plus petite dimension sous le régime français, même si les bateaux seront très bien jugés, seront des voiliers extraordinaires, ils pourriront beaucoup trop rapidement. Et peut-être aussi coûteront-ils un peu trop cher par rapport à ce que l'on avait prévu. Thank you. Toute cette effervescence économique au ras du sol en provenance du secteur privé, et puis l'intervention étatique pour instaurer des industries lourdes au temps de Hoccart, et parallèlement la maturation du versant agricole qui acquiert ses marchands propres et qui trouve des débouchés vers l'Atlantique, et enfin la croissance des villes. Voilà qui soulève la question de la bourgeoisie canadienne-française d'avant 1760. La question a été posée brutalement en 1960 par le professeur Jean Hamelin. Pour Jean Hamelin, la grande bourgeoisie canadienne-française avant 1760, c'est un être de raison. L'analyse préliminaire qu'il a donnée du problème devait engendrer l'une des controverses célèbres dans l'historiographie des dernières décennies. Selon lui, la structure commerciale de la Nouvelle-France favorise l'enrichissement des forains, des négociants métropolitains, les premiers investisseurs étrangers au Canada. Et de conclure, et je cite, « Rien dans notre enquête ne nous autorise à parler de bourgeoisie canadienne-française avant 1760, encore moins de grande bourgeoisie, à moins de vider le mot d'une partie de son contenu. » D'autres, comme Cameron Nish de l'Université Concordia, ont pris le contre-pied de cette proposition. La controverse n'est pas morte, mais le langage s'est affiné, s'est clarifié. John Bosher, du département d'histoire à l'Université York à Toronto, précise ce qu'il faut entendre par ce mot « bourgeois ». Il faut d'abord utiliser, à mon sens, le mot « bourgeois » à son sens du XVIIIe siècle. Et alors, le mot est employé en quelque façon différent de l'emploi de notre époque. On se dit « bourgeois » de Bordeaux ou de La Rochelle ou de Rouen quand on a les lettres de bourgeoisie qui ne sont pas très différents des lettres de noblesse. Il y a, par exemple, pour Bordeaux, le livre des bourgeois, un livre dans lequel on a les témoins de la bourgeoisie des négociants, ceux qui ont les lettres de bourgeoisie. Ce qu'on dirait, par exemple, en allemand, on dit le burger, en anglais, on dit le freeman, ou le burgess, ou le freeman de la ville. Ce qui a la franchise de la ville, si vous voulez. Un sens tout à fait différent du sens marxiste du terme bourgeois. Un deuxième usage du terme bourgeois, c'est pour le directeur ou le propriétaire. Souvent, un agent ou un commis parle de son bourgeois. On voit dans les lettres des capitaines de navires écrites à Québec, ils parlent de leur bourgeois à Bordeaux, ceux qui est le propriétaire du navire, par exemple, et le bourgeois, mon patron, pour ainsi dire. Mais au sens du XXe siècle, il est extrêmement difficile de décider s'il y a une bourgeoisie ou pas. Le terme marxiste de bourgeois, qui se trouve entre la noblesse d'une part et la paysannerie de l'autre, classe citadine, classe qui habite les villes plutôt que la campagne, ça, il me semble, a très peu de sens au Canada. Je suis un peu d'accord avec les éléments, peut-être pas tous les détails, mais avec les idées générales de Cameron Nish à ce sujet, qu'au Canada, il est difficile de séparer la noblesse de la bourgeoisie étant donné que presque tout noble est libre de faire le commerce et presque tout commerçant se voit sur l'échelle grimpant rang par rang vers la noblesse et souvent il gagne la noblesse. Il y a plusieurs, comme Goguet par exemple, ou Rodrigue, ou Paco, trois grandes familles, Rodrigue de Louisbourg, Paco et Goguet de Québec, qui ont des liens très forts avec la France et qui se rendent en France avec ce qu'ils ont gagné au Canada pour s'acheter des offices qui leur confèrent la noblesse. Ils sont devenus en quelque sorte nobles et leurs enfants sont même plus nobles qu'eux. Alors, les appeler bourgeois n'est pas très utile. Ça fausse un peu les choses. Si le professeur Boscher est tenté de ne pas utiliser le mot, Cameron-ish, lui, a senti le besoin, en défendant l'hypothèse qu'une bourgeoisie coloniale existe en Nouvelle-France avant 1760, a senti le besoin de retenir pour étiqueter les bourgeois du Canada une appellation qui rappelle Molière. Cameron-ish, historien à l'Université Concordia, parle de bourgeois gentilhomme de la Nouvelle-France. Ce que le professeur Hamelin avait dit, c'est qu'il n'y avait pas un niveau de commerce ou d'épargne ou de placement suffisamment élevé pour soutenir une bourgeoisie dans le sens français ou anglais ou, soit dit, marxiste du mot. C'est qu'il est sous-entendu par des historiens tels que Creighton, tels que Hamelin, tels que Ouellet. C'est une conception marxiste de la bourgeoisie. Bon, ce que j'ai tenté de faire dans l'hypothèse, et ça demeure une hypothèse parce qu'il faudrait faire beaucoup plus d'études que j'ai faites dans le régime, c'est de définir un groupe social assez cohérent, ayant une idéologie, je n'irai pas aussi loin, parce qu'on n'a pas les écrits. Par contre, ce que nous avons, c'est les actions. Et j'ai longuement insisté que ce qui compte, c'est ce que les gens font plutôt ce qu'ils pensent. On peut se lancer dans l'histoire des mentalités. Dans l'histoire des mentalités, si nous voulons prendre cette approche, les gens qui sont venus, tels que Moncunier, je l'appelle Moncunier parce que j'ai écrit un livre sur lui, c'est lui qui a développé les forges du Saint-Maurice. C'est un entrepreneur dans le sens qu'il quitte quand même le 5e de Paris, l'ambiance de la Sorbonne, le droit, parce que son père, son frère sont des avocats, et vient s'installer en Nouvelle-France, pour poursuivre la loi, pas du tout, pour faire de l'argent. N'importe quel pionnier est un entrepreneur, même si les raisons sont parce qu'il a moins dans son pays natal. Mais ça prend un genre de caractère de traverser l'océan au 17e et 18e siècle et s'installer dans un pays qui est pour la moindre dire sauvage comparé à la leur. Et là, leur possibilité de montée sociale et économique est plus large que dans une société plus stable et plus vieille que la France. Alors, en termes de mentalité, je considère, c'est la petite noblesse qui est venue ici, les roturiers qui ont fait fortune compte tenu des niveaux coloniaux, comme des entrepreneurs. Bon, j'ai choisi bourgeois gentilhomme, c'est parce qu'il n'y avait pas une bourgeoisie dans le sens de quelqu'un qui contrôlait tous les capitaux, encore une fois, dans le sens marxiste. Par contre, le groupe social que j'appelle bourgeois gentilhomme a des liens dans tous les hauts postes de l'administration. Les Longueuil, les Lemoine, sont des commerçants de fourrure, ils vendent du blé, ils sont des propriétaires terriens, et le gouverneur de Montréal en même temps, qui a des fils dans l'armée française et l'armée canadienne. Cunha et ses enfants ont été mariés dans l'aristocratie, je ne dis pas noblesse, l'aristocratie de la Nouvelle-France. Bon, évidemment, un gouverneur, un Beauharnois, disons, ou le premier Vaudreuil, leur conception de la noblesse va être française. Mais c'est le fils du premier Vaudreuil qui deviendra le dernier gouverneur de la Nouvelle-France comme Canadien. Alors dans ce sens-là, à mon avis, on peut dire que c'est un in-group, un clic-in-clic. On a une certaine bourgeoisie. Oui. Comme le disait Cameron-ish, ce sont les actions qui comptent. Or, malgré certains succès passagers, ce groupe de bourgeois gentilshommes de la Nouvelle-France n'a pas réussi à dynamiser sa socio-économie. Il en est qui ont attribué cet échec à l'interventionnisme du gouvernement français, au despotisme monarchique qui aurait paralysé l'instinct entrepreneurial des négociants locaux. Ces vues sont fondées sur une perception de l'État français via ses fonctionnaires sur place, contrôlant et planifiant dans les faits, réussissant à administrer, selon ses désirs, les destinées de la Nouvelle-France. Or, c'est peut-être là un mythe, comme nous l'explique le professeur Boscher. On pourrait dire, si on regardait d'une façon superficielle, on pourrait dire que la Chambre des comptes gardait, si vous voulez, l'honnêteté de l'administration, parce que tout comptable, tout trésorier, tout receveur général des finances, par exemple, était comptable envers la Chambre des comptes. Et la même chose jouait pour n'importe quel fonctionnaire ou administrateur qui maniait des fonds publics ou des fonds du roi. Il était responsable envers la Chambre des comptes. Mais quand on étudie la Chambre des comptes, on trouve que sa fonction n'était pas du tout la fonction qu'on attendrait au XXe siècle. La fonction de la Chambre des comptes, c'est de suivre l'honnêteté de chaque individu. Donc, le temps ne joue pas un rôle dans sa fonction. L'administrateur peut rendre ses comptes beaucoup d'années après ses années d'administration. Et souvent, et normalement même, c'est 5, 10, 15, 20 ans que les comptes suivent l'administration. Donc, le contrôle est tout à fait relatif. En même temps, les comptes des fonctionnaires à l'encontre des hommes d'affaires du 18e en France, les comptes ne sont pas en partie double. La comptabilité à partie double est tout à fait commerciale. Donc, rendre ses comptes, épurer ses comptes, est une affaire de quelques années. Et on trouve que tout officier, tout comptable est nommé pour quelques années seulement. Normalement, il y en a un, comme par exemple les trésoriers généraux de la marine qui dirigeaient les finances du Canada, était nommé pour les années paires ou les années impaires. Et celui qui est nommé pour les années paires, il rédige ses comptes dans les années impaires, parce qu'il lui faut toute une année pour rédiger ses comptes. Et tout ça, c'est tellement embrouillé qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de contrôle. Et la preuve, c'est la banqueroute. Beaucoup de ces comptables, comme les trésoriers généraux de la marine et des colonies, tombent en banqueroute, sont des banquiers finalement à la fin de leur vie. Les choses sont tellement embrouillées, sont traduites devant les cours, les tribunaux, etc. Tout ça, c'est très, très embrouillé. Et dans tout cela, on voit très peu de contrôle pour ce que nous appellerons l'intérêt public. Donc, l'administration publique, l'État, au XVIIIe siècle, n'est pas vraiment un système bien organisé, rationnel, de contrôle. Et donc, l'instrument qu'a le roi pour essayer de planifier, de préfabriquer, de contrôler une colonie est un instrument très peu fiable. Tout à fait. L'idée même de rationaliser, de planifier, même ces idées sont du 19e et du 20e siècle. Bien sûr, on peut trouver les racines au 18e parce que les débuts peut-être se trouvent dans le siècle des Lumières, mais les institutions ne traduisent pas encore ces idées de fonction. C'est pourquoi j'utilise le plus rarement possible le terme fonctionnaire, parce qu'on ne trouve pas dans les archives françaises le mot fonctionnaire jusqu'à la Révolution française. Professeur Boscher, comment est-ce qu'on peut voir l'impact de cette forme d'administration financière de la Nouvelle-France sur le développement de la Nouvelle-France? On peut voir cette forme dans les relations financières de la colonie et de la France. Les relations financières qui sont exprimées par les lettres de change, par le budget, pour employer encore un terme qui n'est guère admissible au 18e, parce qu'il n'y a pas de budget au 18e, mais encore on est obligé d'employer ces termes. On trouve que les bureaux de la marine et des colonies, ils font un plan avec ce qu'on appelle un état du roi, quelques états du roi, qui sont des tables de dépenses et de recettes donné à chaque intendant et à chaque trésorier, comme les trésoriers généraux de la marine et colonies, pour toute partie de l'Empire français, y inclut le Canada. Il y a en quelque sorte un petit budget, entre guillemets, pour le Canada. Or, ce budget est toujours un sujet de dispute entre l'intendant et le gouverneur, d'une part, surtout l'intendant, et le ministre en France de l'autre. Parce que toutes sortes d'éléments jouent qui ne sont pas attendus. Par exemple, l'inflation. L'inflation au 17e et 18e, très mal compris par les autorités, exige qu'on dépense de plus en plus d'argent dans la colonie. Et pour prendre le cas le mieux connu, dans le régime de François Bigot, de 1748 jusqu'à la fin du régime en 59-60, les dépenses commencent vers 2 millions de livres tournois et finissent par 30 millions. Et c'est de 30 millions, les trentaines de millions que Bigot parle vers la fin du régime au Canada. Et tout ça, c'est le résultat de l'inflation. Une inflation sur laquelle le gouvernement a très peu de contrôle et qu'il comprend à peine, parce que le gouvernement voyait l'escroquerie dans cet immense changement de 2 millions à 30 millions. Alors qu'en fait, on avait fait l'expérience en Nouvelle-France durant cette période des années 50 d'un phénomène d'hyperinflation important. Oui, et aussi, en quelque sorte, le gouvernement était responsable lui-même, à son insu, de cette inflation. Parce que l'argent, le livre au Canada, il avait la valeur donnée par la population. Et ceux qui maniaient l'argent, surtout les marchands, les négociants, avaient peu de confiance. L'expérience leur avait appris que le gouvernement payait ses dettes tard et souvent pas du tout. Et les négociants, conscients de ce fait que le gouvernement ne payait pas toujours ses dettes, escomptaient tout instrument de l'État français d'un pourcentage, 10, 15, 18%, ou ne les acceptaient pas du tout, ou acceptaient les uns et pas les autres. Alors il y avait des difficultés qui s'exprimaient dans l'inflation. Cet empire commercial embryonnaire de la Nouvelle-France va souffrir d'hyperinflation au cours de la décennie qui suit 1750. Et puis, elle va enregistrer les contre-coups des chambardements que va subir la socio-économie atlantique dans la seconde moitié du 18e siècle. La semaine prochaine, nous analyserons la fin de la Nouvelle-France économique et les commencements économiques de ce que, dans l'historiographie, on nomme la vieille province de Québec. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Claude Grenier et Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, André Lamarche. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrec. Thank you.